L'imposition occulte de la solitude. Elle vise soit l'ego ou soit la conscience de l'individu pour perfectionner dans le mental de l'individu sa conscience en lien avec les plans parallèles. Il y a des solitudes qui sont vécues sur la Terre qui ne sont pas nécessaires, alors qu'il y en a d'autres qui sont vécues et qu'ils doivent être vécues, ces solitudes, d'une manière consciente. L'intelligence occulte de la solitude a pour maintenance de soulager l'ego de certaines impuretés s'il est capable d'en voir les réalités qui le nouent soit à de l'ennui ou de l'isolement, tout en pensant que la solitude qu'il vit n'est pas nécessaire. Lorsque la solitude vise les ajustements de l'ego, il est certain que cet ego se réfléchira énormément dans le processus et on y retrouvera de l'ennui et une forme d'isolement vécu par l'ego pour croire que ce qu'il vit est finalement inutile ou d'une certaine manière qui permettrait à sa conscience de se spiritualiser davantage. Si nous prenons les moines bouddhistes et toutes les personnes qui font vœu de chasteté pour se retrouver dans un état de contemplation face à l'invisible, il est entendu que la dimension occulte et spirituelle de cette solitude est imposée à l'ego et non à la conscience d'une personne pour qu'elle développe un radar psychique et supramental face à sa relation avec les plans invisibles pour établir des certitudes en lien avec le devenir de la conscience de son ego pour abattre des craintes occultes qui nouent et qui lient l'ego à de la crainte. La solitude, lorsqu'elle vient des plans, parce qu'elle est imposée, a pour objectif d'allumer dans le mental de l'homme ses craintes afin qu'il les voie une à une, et il n'a pas le choix de les éliminer parce que celles-ci représentent une dimension totalement énergétique pouvant l'interpeller dans son mental de la nécessité à revoir sa vie en lien avec une compréhension beaucoup plus grande que simplement une incarnation matérielle en la matière d'une expérience. Il y a plusieurs raisons pourquoi les forces occultes obligent l'ego à vivre dans sa conscience de la solitude, et l'une d'elles est entre autres celle-ci, soit que l'ego doit être puissamment en mesure de vivre sa vie mentale dans l'objectif d'abattre totalement ses craintes. Et lorsque la crainte habite le mental de l'ego, dans la solitude, il est assuré que l'ego souffrira de sa solitude. Et lorsque l'ego souffre de sa solitude, il y a deux effets contraires qui se jouent en lui. D'abord, il pense que cette solitude-là n'est pas nécessaire, et d'un autre côté, il sait très bien que cette solitude-là est imposée. Donc, de quelle manière doit-il regarder sa solitude? Il doit voir que l'isolement vécu en lien avec la conscience supramentale qui doit se développer n'appartient pas à la collectivité. C'est une conscience d'habitation qui est individuelle et dans sa nécessité d'être individuelle, l'ego doit arracher la totalité de son mental à la crainte de penser que sa vie n'est pas grande. Lorsque le processus d'intégration de la conscience supramentale commence, il est compris qu'il y aura autour des personnes qui vivent ce processus d'intégration des équilibres leur permettant de savoir et de pouvoir intégrer des facettes de leur propre conscience en lien avec la dimension de leur intelligence. Mais la plus grande intelligence vécue par l'ego dans le processus de la conscience supramentale sera celle d'être confronté à une solitude extrême pour en extraire la totalité de sa conscience. Et ce cheminement n'est pas facile parce qu'il expose alors dans l'ego toutes ses failles en lien avec la nécessité de vouloir faire quelque chose dans la vie et d'être lié au monde de la conscience supramentale par la proximité de pouvoir échanger et de communiquer avec d'autres personnes qui vivront possiblement des choses similaires à sa conscience, mais qui, dans un autre ordre, ne peut pas permettre à l'ego d'être collectif. Être individuel dans une conscience incite l'individu à ne pas donner de valeur à la solitude, mais à la comprendre parfaitement. Pour la comprendre parfaitement, cette solitude-là, il faut savoir qu'elle est imposée par les plans. Pourquoi est-ce que les plans vont imposer une solitude à une personne? Il y a possiblement trois raisons, dont la première, la quête d'une identité absolue dans l'ego. La deuxième, la volonté de ne pas être assujetti à de la solitude. Et troisièmement, l'intelligence de se renouveler dans la solitude pour savoir que finalement, l'ego n'est jamais seul. Cette troisième dimension de l'imposition occulte pour créer dans l'ego l'intelligence de se réinventer est forcément la plus grande des dimensions occultes de la solitude, car elle oblige dans l'ego qu'il favorise ce dernier l'étude parfaite de ce qu'il est. Et dans l'étude parfaite d'une conscience, contrairement à une personne qui vit en ermite, parce que celle-ci, en tant qu'ermite, ne vit pas sa conscience en lien avec la certitude que cette solitude qu'elle vit est imposée, car l'ermite croit choisir qu'il décide de cette solitude alors qu'en fait, il ne fait que vivre des aspects de l'âme qui l'amènent à s'isoler parce qu'il a des difficultés de communication avec les individus en société ou encore qu'il n'est pas capable d'absorber la société telle qu'elle sans la juger. Et c'est pour ça qu'une personne va choisir un alignement totalement isolé en lien avec la vie de l'âme et de l'ego. Et c'est pour ça que l'imposition de la solitude à la vie de l'ego est à ce moment un caractère occulte utilisé par les mondes supérieurs de la spiritualité pour faire croire à l'âme qu'elle vit une grande symbiose avec le silence. Alors que le silence, pour un être qui est en devenir de conscience supramentale, n'existe pas. Le silence est cette réalité dans laquelle l'ego doit parfaire un discours intégral avec les plans de la lumière pour reconnaître finalement que le silence n'existe pas. Est-ce que dans la solitude, il y a un silence? Il n'y a jamais de silence dans la solitude lorsque celle-ci est imposée par les forces de la lumière. Il y a toujours une communication d'énergie et cette communication d'énergie-là peut être aussi bien liée à des lectures que l'individu aura à faire dans une journée parce qu'on présentera à sa conscience telle forme de vie ou encore dans le rêve, on lui présentera aussi des réalités le menant à comprendre parfaitement que tout est lié dans une vie à des dimensions permettant à l'homme finalement d'ajuster totalement son mental à la compréhension que les forces de la lumière retirent de la solitude avec l'homme lorsqu'elle est imposée totalement, puisqu'elle est imposée totalement, un ingrédient indispensable qui est celui de permettre à l'homme, dans son ego, d'extraire toutes les polarités qu'il soit, qu'il y a eu et qu'il pourrait y avoir s'il n'est pas suffisamment intelligent de savoir que de la solitude, ce n'est pas de la crainte. De la solitude, c'est une dimension éthérique que l'homme doit arracher parce que le dialogue avec les plans doit être parfait. Et ce n'est que dans un dialogue parfait avec les plans que l'homme comprend pourquoi sa solitude est imposée. Est-ce qu'une conscience peut vivre de la solitude sur une longue période de temps? La réponse est oui, mais il y a toujours une fin à cette solitude. Et l'homme la sentira constamment parce qu'il sait que l'imposition de la solitude ne lui permet pas un jour d'être en harmonie avec la société. Certes, l'imposition de la solitude amène l'ego à revisiter complètement sa vie et à abattre toute souffrance pouvant venir de cette solitude, soit que l'ennui, soit que l'isolement, ou soit encore la nécessité de penser qu'on ne devrait pas être si isolé que ça dans la conscience supramentale, étant une valeur tout à fait propice à l'ego venant des forces de la spiritualité, sert alors à brûler dans l'homme toute dimension que lui-même ne décide pas. Un jour, l'homme doit décider, et est-ce qu'il décide de cette solitude? Il en décide du moment qu'il comprend que celle-ci est imposée. C'est alors qu'il peut aller dans le monde, lorsque cela lui fait plaisir, et qu'il rencontre les gens qu'il a à rencontrer pour établir avec eux des nuances vibratoires en lien avec le plaisir d'être avec eux. Si l'homme est dans une solitude, cela veut dire qu'il peut être créatif dans cette solitude en se générant et en se permettant des plaisirs de vie que lui sait très bien, qui ne lui permettront pas d'échapper à la solitude, mais qui lui permettront d'être en harmonie avec sa propre vie, d'être seul dans la matière, parce que cela est un silence imposé des forces de la lumière pour l'amener à être totalement visionnaire de ce que sa vie doit être dans les années à venir. C'est pour cela qu'un jour, la solitude n'est plus imposée, mais elle devient, dans l'ego, une force tellurique de définition permettant d'être dans une identité solaire et matérielle de la vie sur tous les plans. Lorsque la solitude est imposée par les plans, la nécessité de l'ego à revisiter des formes fait en sorte que cet ego n'a pas le choix de revisiter ses formes. La solitude imposée à une conscience n'est pas la solitude imposée à un ego. Il y a plusieurs égos qui peuvent vivre une vie en couple et vivre de la solitude, alors qu'en fait, il serait préférable de regarder pourquoi la solitude fait craindre à l'ego des réalités que de vivre une vie de couple qui ne mène nulle part. En ce sens, lorsque la solitude est imposée, l'ego n'a pas le choix de la vivre. Il est prêt à la vivre. Et comment savoir qu'il est prêt à la vivre? Il a suffisamment d'énergie dans son mental pour voir l'émergence future de son identité à être en total équilibre, même s'il est seul dans sa vie. Toute personne, tout initié qui est amené à de la solitude doit en comprendre ceci. Soit que la solitude est imposée à l'ego pour remettre dans sa conscience les clés de sa destinée entière. Lorsque l'ego se réinvente dans sa conscience face à la solitude, c'est-à-dire dans l'habitation totale de la lumière, car il s'agit bien de ceci, soit que l'imposition à une conscience d'une solitude des plans sur sa vie n'a que pour but de remettre dans les mains de l'homme les clés de sa destinée créative. Par contre, il y a aussi la vibration du temps et la genèse de l'homme à gérer ce temps entre sa destinée créative et l'imposition de la solitude pour qu'il en arrive à cette destinée créative. Voici ce que les forces de la lumière disent en lien avec la destinée créative. C'est celle qui permettra à l'homme d'être libre dans la matière et de léguer un héritage quelconque en lien avec son statut cosmique. Mais si l'homme n'a pas la capacité dans son mental d'élever sa conscience pour gérer cette solitude qu'il vit d'une manière totalement intelligente, il ne peut pas se réinventer. Et en ne pouvant pas se réinventer, il fera l'effort de vouloir rencontrer des personnes alors qu'il n'a pas rencontré personne. Les plans ou la lumière décident de tout, donc finalement, des gens qui gravitent autour d'une personne, et la réponse est oui. Et lorsque l'ego comprend très bien que toutes les consciences qui peuvent être amenées à son entourage peuvent très bien être des positionnements astrales, il préfère alors la solitude. Et il ne cherche pas non plus à rencontrer des personnes quand il sait que la nature imposée de la solitude mène à une destinée créative. Cette destinée créative, comment l'homme la vibre-t-elle? Il la vibre dans son mental en étant conscient qu'il y aura des formes qui se présenteront à lui parce qu'elles doivent se présenter à lui. Les forces de la lumière n'ont pas le choix de présenter à l'homme des réalités harmoniques, si élevées et si vibratoires, pour lui permettre à cet homme, après avoir composé avec une solitude extrême du point de vue de la capacité d'un ego à ne pas souffrir devant la solitude, que l'homme puisse se prendre le taureau par les cornes et établir que sa destinée créative est celle, finalement, de toujours être à la bonne place sans se soucier des efforts de la lumière pour lui permettre d'être à la bonne place. Si l'homme avait le choix dans sa vie, conscient, il est certain qu'il ne choisirait jamais la solitude. Si vous prenez une femme qui est seule, elle préférerait certainement être avec un homme intelligent que de vivre de la solitude. Et l'inverse est la même chose. Un homme qui est seul et qui se fait imposer par les plans de la lumière de la solitude ne dira pas par la suite qu'il préférait ne pas être avec une femme qui puisse égayer sa vie. Cet homme ou ces individus, hommes ou femmes, savent très bien qu'est-ce qu'ils ont besoin pour harmoniser leur vie dans la matière, car la vie dans la matière est celle qu'ils connaissent le plus. Alors que pour les plans, ce qui est important pour eux, c'est ceci, c'est que la solitude imposée par eux revient à relever dans le mental de l'homme sa destinée créative. Est-ce que cette destinée créative est cachée à l'homme? Assurément, elle est cachée à l'homme parce qu'elle représente la dimension éthérique de l'ego à parler la vie, à définir la vie et à dicter dans l'ensemble des sphères qui gravitent autour de sa vie, quelle personne il décide un jour de rencontrer et quelle personne il décide de ne pas rencontrer. Il y a beaucoup de parasites au niveau de la conscience des individus, car la spiritualité le permet. Une personne sera toujours piégée par les lois d'impression en lien avec la potentialité de reconnaître que tout ce qui est vibrant n'est pas nécessairement intelligent. Lorsque c'est le mental inférieur de l'ego qui vibre, il y a dans cette vibration énormément de spiritualité qui provient des surimpressions des mondes de la mort pour faire croire à l'homme que le silence existe, alors que le silence n'existe pas, et pour que l'homme triomphe de sa propre destinée cosmique dans la matière sans vivre l'impression que le silence existe, il est entendu qu'il doit être en totale communication avec sa propre lumière. Et cette destinée créative de sa propre lumière revient et relève du fait que l'homme a un jour appartenu à des mondes du silence imposés par les forces de la lumière parce qu'il était dans une vie involutive sur la planète Terre. Et lorsque l'homme n'a pas intégré totalement la souffrance d'avoir vécu dans la matière, la souffrance évolutive des plans de la noirceur, il doit parcourir et revivre des formes de spiritualité pour un jour connaître qu'est-ce que ça veut dire de la lumière. Cette force de construction et de destinée créative dans l'ego passe par la solitude, parce que pour les forces de la lumière de permettre à un ego de traverser le désert de sa solitude sans que son mental soit affaibli dans le processus par de la crainte, représente énormément d'identité. Et cette identité est arrachée à l'ensemble des mondes spirituels de la mort et à l'ensemble des mondes spirituels gravitant autour de la Terre pour conduire l'homme à sa perte. Soit que dans le silence, l'homme n'a pas la capacité de s'instruire, mais lorsque l'homme est dans un mouvement olympique au niveau de sa conscience, pour parler la solitude et parler librement sur le silence, il va établir ceci. Il va dire que les morts se cachent derrière le silence et il va aussi dire que le silence est la plus grande porte de la stupidité dans l'homme pour vivre de la crainte. Et lorsque l'homme est capable de parler, il brise le silence et le contrecarre d'une manière absolue. Et c'est pour ça que dans sa vie personnelle, la solitude ne devient plus imposée car il est lui-même hors de l'ennui et hors de l'habitation de la crainte pour croire et penser que sa vie n'est pas grande parce qu'il est seul et qu'il est isolé. L'homme peut très bien être intelligent seul, mais il peut seulement être intelligent seul du moment qu'il est en mesure d'inverser dans sa conscience le processus du silence, de la solitude imposée et de tout le caractère occulte des forces de la lumière voulant le soumettre à la réinvention totale de son énergie pour savoir qu'il doit être dans son ego sans crainte face à tout discours provenant et toute forme de vie, le jumelant l'ego et la conscience de l'individu à une destinée non créative. Parce que la destinée non créative est celle qui est liée à de l'involution et l'involution fait partie des corridors occultes de la noirceur pour avoir permis dans la spiritualité à faire évoluer l'âme dans un processus incarnationnel. Mais lorsqu'une fois totalement comprise, la solitude est alors inversée et épurée de toute souffrance pouvant faire naître dans l'ego l'impression que celle-ci n'est pas nécessaire. Non pas qu'elle est nécessaire dans le sens que l'homme doit la vivre, parce qu'il a besoin et il choisit de la vivre, mais parce qu'elle est nécessaire, parce que les plans décident qu'ils vont isoler une conscience pour un laps de temps, afin que celui-ci sache très bien que la solitude, finalement, dans le réel abattement de chaque crainte dans l'ego, qu'elle n'existe pas, la solitude, parce que l'homme, lorsqu'il est dans la matière, exempt de personnes pouvant converser et communiquer pour échanger sur la vie, il est obligatoirement habité par les plans et il doit s'habiter totalement tout en étant conscient que les plans de la lumière ont qu'un seul objectif, soit de fusionner avec l'homme et cette fusion sert à la destinée créative de l'homme. À quel moment l'homme peut-il reconnaître sa destinée créative dans la matière? Il peut la sentir depuis déjà un jeune âge s'il est destiné à vivre de la conscience supramentale, car la conscience supramentale fait état de la rivalité d'une polarité qui ne peut pas être brisée dans l'homme, soit que l'homme est scient dans la conscience supramentale que la noirceur existe bel et bien pour le briser dans sa destinée créative. C'est pour cela que la destinée créative de l'homme appartient totalement au mouvement cosmique de la conscience supramentale visant à créer dans l'homme une identité unique et individuelle qui lui permettra de statuer dans la matière quel est l'agenda et la grandeur de sa parole pour inverser sur la planète Terre les dimensions occultes du silence et toute réalité menant les égaux à croire qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. L'imposition occulte du silence à un égo est une réalité permettant à l'âme de se développer. Alors que l'imposition occulte du silence à une conscience sert à inverser dans l'ego toute la polarité du vrai ou du faux afin que l'ego puisse voir parfaitement que dans la liberté de se créer une nouvelle identité, l'ego ne craint pas la vie. En ce sens, s'il vit de la solitude ou si on lui impose de la solitude, l'homme conscient, qui est suffisamment avancé dans sa conscience, va dire ceci. Pourquoi il n'y a pas dans ma vie présentement de travail, de couple ou de plus grandes énergies permettant un égaiement total de la vie de l'ego en lien avec sa vie personnelle? La réponse est celle-ci. Il est clair que l'ego, dans la compréhension de sa vie, doit en arriver parfaitement à jumeler sa conscience à la liberté de savoir et de dire que ce qu'il pense et que ce qu'il dit n'est pas attaché au monde de la mort, mais bien une vibration cosmique liant sa parole à des éthers de vie permettant un jour, dans sa destinée créative, de créer des éthers dans la matière. Quels sont ces éthers que l'homme doit créer dans la matière? Ces éthers proviennent de sa parole qui font vibrer la matière pour entrouvrir et permettre dans la dimension de la conscience supramentale à descendre sur la terre d'une manière beaucoup plus précise. Lorsque l'on dit que l'homme peut être intelligent seul, cela ne veut pas dire qu'il se prive de l'intelligence et la vibration des êtres sensibles qui sont sur la planète Terre, parce qu'il sait très bien qu'il peut simplement lire un journal et être mis en contact dans l'article lu, la vibration de celui qui écrit l'article. Et c'est à ce moment qu'il peut en saisir toute la beauté et toute la sensibilité, parce que la destinée créative de chacun dans l'incarnation d'une âme fait partie du mandat cosmique de l'incarnation d'une âme. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que les gens le vivent, cette destinée créative-là, mais elle est ultérieurement placée dans l'ego pour qu'il puisse faire vibrer sa lumière un jour et non faire vibrer l'âme en lui. Il est reconnu que le monde de l'Internet amène énormément de solitude aux individus et à l'ego parce que la solitude créée par l'isolation à des formes de technologie cache en arrière-plan les forces de la noirceur. Par contre, si un ego gère suffisamment bien la technologie, il s'apercevra qu'il peut être dans cette gestion celui qui crée de la matière et de la parole pour générer de l'intelligence. Vibratoirement, il se crée un éther, et cet éther est ce qui est recherché dans la destinée cosmique de l'homme et créative, parce que l'éther de créer dans la matière et dans la sphère Internet une vibration haute que celle connue par l'astral dérange énormément le monde du silence. Il n'y a pas sur la Terre et il n'y aura jamais sur la Terre de silence. Toute adaptation de l'ego à la conscience d'une destinée créative prend énormément de temps. L'ego doit abattre la crainte de penser qu'il perd sa vie s'il est seul, ou encore de penser qu'il n'est pas aussi grand qu'il se doit, parce qu'on ne l'amène pas à être dans sa vibration créatif encore de ce qu'il doit accomplir sur la Terre. Imaginez si ça fait 20 ans que vous savez que vous ferez telle réalité ou vivrez telle réalité et que celle-ci ne se présente pas encore à vous. Substantiellement, il y aura dans ce long processus d'intégration une rivalité intérieure entre vous, le silence des plans, et toute la dimension cosmique et créative de cette destinée qui vous est réservée, mais qui n'est pas encore concrète. Quand on dit que l'imposition du silence provient des plans, cela veut dire ceci. Cela veut dire que les forces de la lumière vont s'arranger et créer suffisamment dans une vie d'isolement pour que l'ego n'ait pas de porte de sortie pour se donner finalement des raisons ou des valeurs involutives à son isolement ou à sa solitude. Il doit en venir donc à voir celle-ci comme étant totalement créative, et c'est là le jeu de l'imposition de la solitude des plans de la lumière sur une conscience, soit de voir que celle-ci est totalement créative, et lorsque l'ego la vit créativement, il ne craint plus la vie. Pour les forces de la lumière, pourquoi est-il important que l'homme ne craigne pas la vie ou qu'il sache parfaitement que la descente de la lumière dans son mental relève hautement d'une vibration individuelle et unique lui appartenant par le biais de sa destinée créative? Toute conscience qui vivra sur la terre une vie en lien avec l'éclatement de l'âme pour que jaillisse dans l'ego de la conscience, soit que de la conscience, c'est du savoir, c'est de l'intelligence, c'est l'intégralité universelle de l'ego à être individuel devant la vie. Voilà ce qui fait alors que l'ego ne peut plus se cacher derrière quoi que ce soit. En ne pouvant plus se cacher derrière une forme, il doit habiter toutes les formes et être en parfaite fusion avec ces formes, parce que ces formes ne peuvent pas créer dans lui de polarité ou d'ambivalité. L'ambiguïté d'une forme est donc percée parce que l'homme sait que le silence n'existe pas et il sait, à la fin de tout, que les âmes qui sont dans un purgatoire, parce qu'elles doivent vivre dans le purgatoire, l'épuisement de toutes les forces de la noirceur sur leur conscience pour les jumeler éventuellement à de l'involution, fait en sorte que l'homme éduquera les morts de ce qu'ils sont pour les initier, non pas au silence, mais pour les initier à la parole vibratoire de l'homme dans la matière qui peut les informer à travers la parole des réalités de leur vie. Le purgatoire étant de ne pas permettre à des âmes trop destructives de revenir sur la terre et se réincarner. Par contre, ces âmes doivent être aussi libérées du joug des plans de noirceur, car ce n'est pas réel pour les plans de la lumière de percevoir que les plans spirituels feront ce travail pour eux. La destinée donc créative de l'homme dans la matière est bien entendu un silence absolu des forces de la noirceur sur sa conscience, c'est-à-dire que celles-ci ne peuvent plus exister et ne peuvent plus communiquer avec l'homme. Il y a alors ceci qui agit dans l'homme, soit que l'homme est très conscient des plans de la noirceur dans le silence, et il sait très bien que la solitude que l'homme se fait imposer dans une vie peut être à connotation astrale, car on voudra lui faire croire que la solitude qu'il vit n'a pas une grande mesure évolutive. Et la solitude, lorsqu'elle est vécue dans la dimension compréhensive de la réalité que les plans de la lumière exercent sur l'ego, énormément de pression pour qu'il intègre sa lumière totalement. Et ce qui définit alors l'ego face au potentiel de sa réelle destinée créative. Est-ce qu'un jour l'homme doit parler parfaitement la vie? La réponse est claire. Il doit parler totalement la vie d'une manière absolue pour ne plus jamais se soustraire à de l'astral. Telle est la destinée créative de l'homme dans le silence et telle est la destinée créative de l'homme dans la solitude. Soit qu'il n'a pas d'ennui dans son mental et qu'il n'y a pas de crainte dans son mental ou il ne vit aucun isolement face à sa vie créative, parce qu'il sait que cette vie créative lui appartient déjà s'il est dans sa tête vide de toute forme astrale pouvant générer chez lui de la crainte. Somme toute, la volonté de ne pas être assujettie à de l'astral ou au silence passe aussi par l'intelligence créative de l'homme à se réinventer. Si bien que du moment qu'une âme n'est pas capable de composer avec la solitude, cela veut dire qu'elle est déjà prisonnière de d'autres formes dans sa vie appartenant au monde astro et qui générera aussi dans sa conscience, dans l'ego, de la crainte. La destinée créative de l'homme pour établir sa conscience relève de trois choses. Elle relève de l'identité dans son mental, de parler la vie sans crainte. Elle relève aussi de la capacité de l'homme à communiquer sans crainte avec l'invisible et elle relève finalement de la certitude que l'homme est un être solaire. Du moment que l'homme sait qu'il est un être solaire, il ne peut plus retourner en arrière. Il ne peut plus non plus craindre la vie. Il ne peut plus non plus demander à l'invisible de l'instruire. Il s'instruit lui-même et en s'instruisant lui-même, il est en mesure de voir que la solitude imposée a pour objectif de créer dans l'ego de la confusion s'il n'est pas capable de s'élever au-dessus de cette solitude et de dire clairement pourquoi il vit cette solitude et pourquoi sa destinée créative lui a été cachée. Supposons que nous faisons l'exercice de dire « Quelle est la destinée créative de tous les hommes? » Voici la réponse. Chaque homme est individuel. Chaque homme a un statut cosmique. Chaque homme a une capacité de percevoir le réel d'une manière qui le définit totalement dans son identité au niveau de sa sensibilité, son intelligence, sa volonté et son amour pour l'homme. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle aussi de la femme. La femme pouvant, dans sa destinée créative, générer suffisamment d'intelligence et de volonté pour apprendre à aimer parfaitement l'homme sans se soucier des vicissitudes du monde de la mort et de l'astral en lien avec sa capacité à elle de se créer dans la matière une vie qui n'appartient pas à la procréation. Un jour, la destinée créative de la femme sera celle qui ne vivra pas d'aucune manière l'enfantement. L'enfantement étant une forme d'imposition pour générer dans sa conscience de la solitude extrême en lien avec la capacité de peut-être, si je n'ai pas d'enfant, est-ce que je serai complète en tant que femme sur la terre? Tout le mensonge des plans de la noirceur en lien avec la solitude relève de la même équation, il relève de l'équation de la crainte. Alors que dans la solitude, la destinée créative est cachée à l'homme. S'il sait que celle-ci est imposée pour l'amener directement aux portes finales de sa destinée cosmique, étant que l'homme est celui qui parle et que l'homme est celui qui définit que ce qu'il vit est réel, mais dans la mesure qu'il peut aussi établir, qu'il peut changer toutes les composantes de cette réalité du moment qu'il communique à l'invisible son statut en lien avec ce que lui perçoit de ce qui doit se faire au niveau de sa psyché et au niveau de sa conscience. Si, par exemple, vous êtes dans une solitude imposée et que vous dites « Est-ce qu'il y aura une femme dans ma vie ou est-ce qu'il y aura un homme dans ma vie? » Les forces de la lumière doivent vous répondre d'une manière définitive et cette réponse doit être « oui ou non ». Il n'y a pas de peut-être, car dans la destinée créative, l'homme peut lui permettre à cette destinée-là de le rejoindre sur tous les plans. Si c'est la question du travail qui vient en lien avec une conscience et que cette conscience veut établir quelle est cette destinée créative qui générera dans sa vie de la liberté, les forces de la lumière auront l'obligation de répondre clairement à l'homme. Parce que quand l'homme a finalisé dans sa conscience la réalité que la solitude, une fois qu'elle est traversée, l'homme peut avoir accès à davantage de réponses parce qu'il ne craint pas ou il n'a pas besoin d'être rebalancé dans sa vie face à son futur. Le futur étant connu des forces de la lumière et il doit être su un jour par l'homme parce qu'il doit être amené à sa conscience pour que lui, dans la matière, puisse établir aussi que sa liberté ne doit pas être différente des plans de la lumière. En outre, est-ce que les plans de la lumière vivent de la solitude? La réponse est ceci. Nous ne vivons pas de solitude parce que nous sommes totalement en fusion avec le mouvement de notre propre lumière à créer de l'identité. Ceci veut donc dire quoi pour l'homme? Ceci veut dire que l'homme doit créer de l'identité, c'est-à-dire que s'il est dans sa destinée créative, il se crée à chaque jour de l'identité. Il se crée et il se génère dans sa conscience. suffisamment d'énergie pour ne pas être assujetti à aucune solitude, donc il n'y a jamais dans sa conscience d'ennui ou d'isolement vécu parce qu'il est toujours en vibration de savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait et comment il doit le faire. Comment arrache-t-il à cette identité qu'il se crée de la liberté? Car les forces dans la lumière sont toujours dans une quête de liberté en lien avec leur identité, parce que c'est cela qui leur permet de générer dans les mondes invisibles de la beauté. Donc, l'homme doit aussi être dans la manufacture de sa beauté, celui qui érige dans son identité cosmique des éthers de vie lui permettant. Et c'est pour cela que la parole est de dire, communiquer aux forces de la lumière que ceci doit se réaliser dans un temps futur très rapproché et non dans 10 ans, 15 ans, parce que cela impose une vibration qui est très similaire à la solitude, mais qui veut simplement dire que le temps n'est pas le temps. Mais quand l'homme n'est plus dans la vibration du temps, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la solitude de se voir imposer une certaine solitude, il est capable de faire descendre la parfaite rencontre avec le temps et dire « Ah, c'est maintenant, ou dans 2-3 jours, ou dans 2-3 mois, que telle réalité se produira parce qu'il la captera sur les plans et la fera descendre dans la matière. » Parce que cette créativité et cette destinée est pour lui sa seule résonance de repos dans la matière, soit qu'il sait et qu'il n'a pas à arracher toute forme de vie ne lui appartenant pas d'une manière à se mettre en opposition totale contre les plans. Il doit être ses plans dans la matière parce qu'ils s'habitent dans la matière de ce qu'ils sont. Il est donc lui aussi un voyageur du temps et c'est en étant un voyageur du temps qu'il n'est plus dans la solitude ou dans l'imposition d'une solitude qui permettrait à son ego de se nettoyer au niveau de certaines polarités et d'abattre essentiellement toutes ses craintes. Lorsque l'homme est vibratoire, il est vibratoirement unique dans la composition de son mental à être totalement informé de ce qui gravite autour de lui. Et les éthers qui viennent à sa conscience sont reconnus. Il peut voir la beauté de ces éthers parce qu'il en capte la vibration. Et c'est pour cela qu'une personne peut très bien aller dans un café ou à un certain endroit et voir la destinée créative de l'homme sur les plans invisibles, parce que la destinée créative de l'homme sur les plans invisibles relève de sa sensibilité dans la matière. Et si un homme n'a pas de sensibilité ou si une femme n'a pas de sensibilité, il est bien entendu que l'ego dans l'homme, la conscience créative de l'ego dans l'homme, verra quelle est la profondeur et la courbe involutive ou évolutive de ce qui se place devant lui. Cela veut-il dire que l'homme, une fois vécu et intégré dans sa conscience, dans tous les domaines et les sphères de la solitude, a une capacité d'intercepter la lumière? La réponse est oui. Il sait ce que c'est de la lumière. Il n'a pas à la vibrer. Il est cette propre lumière. C'est pour cela que la fusion de l'homme avec la lumière est ce qui lui permet finalement d'être bien au niveau de toute la compréhension de ce que la lumière veut faire. Et étant donné que le temps et les ficelles du temps sont toujours utilisées par la lumière en lien avec le devenir de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme n'a pas à craindre la vie, il reste dans sa destinée créative, soit qu'il peut finalement savoir que tout ce qu'il a à faire en lien avec son intelligence, à lui, c'est d'être prépersonnel dans sa vie, soit de pouvoir composer avec les éthers de la vie et de la matière d'une façon totalement créative. Quels sont ces éthers? Un éther, c'est une dimension occulte de l'énergie ou une dimension tout simplement vibratoire de l'énergie dans la matière qui peut être captée par l'homme parce qu'elle est une vibration de beauté, soit qu'il y a dans l'énergie suffisamment de raffinement pour élever le mental de l'homme à une dimension totalement cosmique de la vie en tout temps. C'est-à-dire que si vous êtes assis chez vous et vous êtes en mesure d'observer la vie et que vous placez votre regard dans un coin d'une pièce, vous pouvez en voir toute la perfection de l'intelligence qui descend pour habiter votre mental, parce que cette intelligence doit aussi habiter des éthers pour vous permettre aussi de comprendre que tout L'invisible n'existe pas, car dans la matière, il y a simplement de l'énergie. Mais étant donné que l'homme est mortel, il a énormément densifié l'énergie et il ne peut pas capter les subtilités de l'énergie. Alors que tout pour la lumière est énergie. Si vous prenez une forme et vous regardez sa beauté et son alignement avec la dimension d'harmoniser votre vie, cela fait partie intrinsèquement d'un éther. Donc, si vous êtes assis devant un feu de foyer et vous regardez toute la flamme qui se dégage et toute la beauté de cette flamme qui vous permet de vous reposer, vous voyez très bien que dans ce feu et dans cette énergie, il y a aussi de l'éther. Et la destinée créative de l'homme dans la matière sera celle de créer de l'éther, c'est-à-dire par sa parole, de créer de la beauté afin que les hommes s'harmonisent et comprennent que de la solitude et que du silence, ça n'existe pas. Aux yeux de la lumière et aux yeux de la destinée cosmique de nos consciences, le silence n'existe pas. Il y a habitation de l'homme dans sa lumière et c'est pour ça, finalement, que la solitude n'existe plus et qu'elle n'est plus imposée parce que l'homme ne peut plus être dissocié de la lumière puisqu'il les habite totalement, mais en les habitant totalement, il ne vit pas sa vie en fonction des autres non plus. Il vit sa vie en fonction de sa destinée créative à lui. Qui est celle de quoi? Qui est celle d'aimer ce qu'il est, d'aimer l'homme, et surtout, de pouvoir un jour vivre sa vie en étant totalement libre. Parce que libre veut dire qu'il aura dans sa conscience et dans sa matière tout ce qu'il a besoin pour être la parfaite rencontre de la matière, de la lumière et de l'éther. C'est-à-dire que l'embryon parfait de l'homme avec sa fusion cosmique, c'est de pouvoir générer lui aussi de la beauté, de la liberté et de l'éther. Par la parole, il parle. Par la beauté de ce qu'il dit, il fait avancer les choses. Et il crée dans sa conscience des besoins réels. Et ces besoins réels sont rencontrés par la lumière parce qu'ils sont entendus, ces besoins. Si l'homme dit « Quand est-ce que je vais avoir une femme? » Les forces de la lumière diront « Dans 3 mois. » Mais 3 mois, ce n'est pas suffisant pour l'homme. Il faut qu'il sache vibratoirement qu'il y aura une femme. Et alors, il n'y a plus de question dans son mental. Il n'a pas besoin du 3 mois, car ce 3 mois dépend encore d'une solitude imposée par les parents de la lumière sur sa conscience. Et donc, il sait parce qu'il est celui qui génère totalement sa destinée créative. Sa destinée créative étant de savoir, oui, je vais avoir un couple et je vais avoir ce couple quand je le déciderai. C'est-à-dire, du moment que l'autre ne subit pas aucune forme de contrainte pour vivre elle aussi ce couple. Parce que vous pouvez facilement rencontrer quelqu'un, mais que celle-ci, cette personne n'est pas encore ajustée pour être en couple avec vous. C'est donc pour cela que dans votre destinée créative, vous savez très bien que celle-ci sera prête parce qu'il n'y a pas de beauté pour l'homme si l'autre n'est pas prêt. Et c'est cela qui se résume à la réalité d'un travail. Il n'y a pas de beauté pour l'homme créatif si le travail qu'il fait l'amène à payer un prix. Donc, l'homme ne doit pas payer de prix car les forces de la lumière ne paient jamais de prix. Pourquoi est-ce que vous ne payez jamais de prix? Parce que nous sommes la totale perfection de ce que nous sommes. Et c'est ce que l'homme doit devenir, la totale perfection de ses corps d'énergie, soit qu'il est un être créatif, qui ne souffre pas la vie, qui ne craint pas la vie, mais qui la dompte totalement, en étant scient qu'il est immortel. Et en étant scient qu'il est immortel, l'homme découvre alors que sa destinée créative lui avait été cachée parce qu'il était mortel. Par conséquent, est-ce que l'aboutissement de la solitude imposée devient pour l'homme un tremplin à sa liberté? Elle se doit, cette liberté, d'être grande et elle doit amener à une plus grande beauté que l'isolement. Et il est bien naturel que lorsque l'homme a traversé la solitude imposée d'une façon créative, il sait très bien quelle est la beauté à laquelle il veut appartenir. Et comme l'homme ou la femme sont des êtres qui sont incarnés dans la matière, ils savent très bien qu'une beauté qui leur permettrait d'être en équilibre avec la vie, à la suite d'une solitude imposée par les plans de la lumière, reposerait finalement sur l'établissement parfait d'une rencontre avec une personne pouvant mener ces deux êtres à être totalement en équilibre pour cheminer dans la vie sans être assujettis à aucune faille des mondes astraux et de la Terre en lien avec l'évolution de celle-ci. Cela veut dire que le couple cosmique ou que le couple entre deux êtres qui doit permettre aux égaux d'être totalement libres dans leur destinée créative, s'apparente réellement à une dimension éthérique permanente qui n'entrecoupe jamais dans la vibration des êtres la beauté de ce qu'ils sont. Et si cela n'est pas la destinée créative de l'individu après l'aboutissement d'une solitude imposée, cela veut dire encore que les plans retiennent trop d'informations à l'égard de l'homme et que celui-ci ne peut pas être libre sur la planète Terre. Incidemment, est-ce que l'homme peut être libre sur la planète Terre? Il est reconnu qu'il doit parler son verbe et énoncer d'une manière très froide ce qu'il a à dire afin que ses besoins réels soient rencontrés. Et ses besoins réels sont ceux-ci, après une solitude imposée, ils sont la liberté d'être ses besoins dans une vie beaucoup plus simple qui ne crée pas d'obstacles oppositionnels à la vie de l'esprit dans l'ego, ce qui veut dire que l'homme a une liberté beaucoup plus profonde et fondamentalement unifiée à la certitude que sa vie, qui doit être partagée avec un autre être, sera plus grande que toute évolution qu'il se doit sur la Terre. Le couple cosmique étant l'unification parfaite d'une beauté réalisée dans les deux êtres qui auront traversé leur propre compréhension évolutive de la forme, de la matière, de l'évolution et de toutes les sphères qui gravitaient autour de l'évolution d'un corps animal dans la matière. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent et qu'ils décident de former un couple, ce couple devient évidemment pour eux un arrêt de la solitude, car il y a toujours un échange d'énergie dans ce couple et c'est ce qui fait de ce couple la beauté d'une vie beaucoup plus grande pour eux. L'aboutissement de la solitude imposée par les plans de la lumière a donc une finalité. Et si elle n'a pas de finalité, cela veut dire que l'homme n'est pas capable d'être immortel et qu'il reste mortel. En ce sens, il faut que l'homme soit très froid dans la solitude imposée afin qu'il voie et qu'il ne la subisse jamais pour se donner à lui dans les éthers à venir et dans sa liberté immédiate des besoins qui lui permettront de toujours être au-dessus de la mêlée et non de percevoir la solitude comme étant une imposition qui ne se finit jamais. Enfin, l'aboutissement de la solitude imposée mène l'homme à une destinée créative lui permettant d'avoir un mental toujours intact et au-dessus de la vie. Et c'est pour cela que finalement l'homme a traversé dans la solitude imposée ce qu'il devait traverser. C'est-à-dire qu'il a nettoyé ses craintes et qu'il peut désormais vivre sa vie selon ce qu'il entend et ne plus jamais regarder en arrière pour être ajusté par les plans de la lumière. Il est sa vibration et c'est pour cela que finalement il deviendra un jour lui aussi immortel pour récupérer l'ensemble des éthers de la lumière qui lui sont réservés à sa mort.